إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 16 aujourd'hui, inshallah, dans l'explication du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara' fi al-Kitab wa al-Sunnah. Et c'est la réalité de l'alliance et du désaveu selon le Coran et la Sunna. C'est écrit par le Cheikh Issam Ibn Abdullah Sinani, qui est un des shuyukh en Arabie Saoudite, un des docteurs qui enseigne justement dans une des universités de l'Arabie Saoudite. Et ce livre a été relu et préfacé par Ma'ali al-Sheikh al-Docteur Salih ibn Fawzan al-Fawzan, qui est membre du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite et un membre également du comité permanent pour la fatwa. Donc le point où on est arrivé, comme on a déjà mentionné dans les cours précédents, on est en train de lire dans le livre le point numéro 6. Et le point numéro 6, c'est la mention de certains principes qui nous aident à répondre à des shubuhat par rapport au takfir des gens de bid'a qui font le takfir des dirigeants et le takfir des ulama et le takfir des musulmans en général aussi. Donc il y a 14 principes qui sont mentionnés dans ce point-là, dans le point numéro 6, et qui réfutent certaines de leurs shubuhat et certaines de leurs mauvaise conception par rapport à certaines des questions qui sont reliées justement à Al-Wala ou Al-Bara. Le point numéro 3, c'est le point qu'on va lire ensemble aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est un point très important. Et c'est quelque chose qui a rapport justement avec quelque chose qui est, comme on pourrait dire, quelque chose qui est vraiment relié à notre situation actuelle dans le monde contemporain par rapport au fitan qu'on traverse sur le plan politique et le plan politique dans le monde musulman actuel. Et c'est une choubha qu'on entend souvent de la part des hizbiyin et des takfiriyin. Et lorsque par exemple il y a un pays musulman qui se fait attaquer par des kuffars ou bien qui subit des difficultés de la part d'un d'entre les pays des koufars, c'est Hizbiyin et c'est Khawarij, c'est Takfiriyin. Ils commencent donc à utiliser ça comme un argument pour justifier leurs actions de terrorisme ou bien leurs attentats, ou bien ils essaient d'utiliser ça comme un argument pour essayer de jouer avec les émotions des peuples musulmans et pour les amener justement à tomber dans des actes ou dans des choses qui sont en contradiction avec la charia. Donc on va commencer tout de suite la lecture du livre, inshallah. Le cheikh dit « Inna l'islam alladhi ja'a bil bara'ati min al-kuffari » وأوجب نصرة المسلمين بعضهم لبعض وجعلها من ولايتهم يمنع من نصرة المسلمين على الكفار إذا كان ثم عهد بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار أو كان المسلمون عاجزين عن نصرة إخوانهم ولا يعد ذلك مما يناقض عقيدة الولاء والبراء. Donc le cheikh il dit que l'islam qui est venu avec le fait de se désavouer des kuffars et qui a rendu obligatoire le fait de venir à la défense et au secours des musulmans et que les musulmans c'est une obligation pour eux de s'aider les uns les autres et l'islam qui a également fait en sorte que yani donc le musulman doit les musulmans doivent se secourir les uns les autres et se défendre les uns les autres. Le cheikh il dit وَجَعَلَهَا مِنْ وَلَايَتِهِمْ. Donc il a fait de ça le fait qu'on se défende et qu'on se protège ou qu'on vienne se défendre les uns les autres, que ça fait partie de l'allégeance qu'on a les uns envers les autres. وَيَمْنَعُ مِنْ نُصْرَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكُفَّارِ إِذَا كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ. Il a qu'un thème ahdun bayna al-muslimin wa bayna ha'ula al-kuffar. Sauf qu'il y a quelque chose qui peut faire en sorte que on ne puisse pas venir aider nos frères parmi les musulmans contre ces kuffars qui les attaquent. Et parmi les choses qui peuvent empêcher un pays musulman de venir en aide à ses frères musulmans qui sont en train de se faire attaquer par les kuffars, il y a plusieurs exemples de ça. Il y a plusieurs cas dans lesquels un pays musulman ne peut pas venir en aide à un autre pays musulman contre des kuffars. Et on va donner les exemples que le cheikh a mentionnés ici. Parmi les exemples, il y a par exemple le fait que le pays musulman qui est en guerre ou qui attaque le pays des koufars qui est en train d'attaquer le pays des musulmans, c'est un pays de koufars avec lequel il y a une entente de paix avec les autres musulmans. Hein? Donc, par exemple, supposons qu'il y a un pays musulman X qui se fait attaquer par un pays de koufars Y. D'accord? Et qu'il y a un autre pays musulman Z qui pourrait venir en aide au pays musulman X. Alors, si par exemple, entre le pays musulman Z et le pays des koufars Y, il y a une entente de paix, eh bien, à cause de cette entente-là, le pays Z ne peut pas venir en aide au pays musulman X à cause de cette entente-là. Donc, le pays musulman Z doit respecter l'entente de paix qu'elle a avec le pays Y. Et à cause de cette entente de paix, elle ne peut pas venir défendre le pays musulman X contre ce pays de Kouf Y, parce que le pays X, par exemple, il n'a pas d'entente de paix avec le pays Y, ou bien cette entente-là, elle existait, mais elle a été annulée par une guerre quelconque. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est un cas dans lequel les musulmans ne peuvent pas venir en aide à ce pays musulman. Donc, ça, c'est quelque chose que beaucoup de musulmans ne comprennent pas, ou bien ils ne savent pas. Que ça fait partie des principes de la charia et que c'est quelque chose qui est même mentionné clairement même dans le Coran. Donc parfois tu vois qu'est-ce qui se passe dans certains pays musulmans, ils vont prendre par exemple qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel pays musulman quand il y a un pays des koufars qui est en train de l'attaquer. Donc là ils vont monter sur le minbar. Et puis ils vont commencer à dire à propos des autres pays musulmans, pourquoi les autres pays musulmans ils font pas, pourquoi les autres pays musulmans ils ne disent pas, pourquoi les autres pays musulmans ils ne viennent pas au secours ou à l'aide de leurs frères, pourquoi ces autres pays musulmans ils n'attaquent pas ce pays des koufars ou ainsi de suite. Hein? Donc on entend souvent ce genre de discours. Et donc, ces gens-là qui parlent de cette manière-là, ils ne prennent pas en considération les ententes de paix, les ententes diplomatiques qui existent et les ententes internationales qui existent entre les pays. Et ils ne prennent pas non plus en considération la situation des musulmans dans le monde, c'est-à-dire par rapport à leur état et par rapport à leur capacité. Donc, est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils ont la force nécessaire? Est-ce qu'ils peuvent venir à leur aide ou non? Est-ce qu'il y a des ententes entre eux ou non, entre eux et les kuffars ou non? Donc, ça, c'est des choses que l'islam nous enseigne. C'est des choses qui font partie des principes de la religion que ces gens-là ignorent totalement. Ils ne prennent pas du tout en considération. Donc, on va mentionner quelques exemples de ça. Donc, le cheikh, il dit, si on est donc en entente de paix avec le pays des kuffars qui attaque ce pays musulman, ou que les musulmans sont dans l'incapacité de venir en aide à leurs frères, ça c'est un autre cas qui est mentionné également dans la charia, qui a plein d'exemples aussi à ce sujet-là dans la charia, on va en mentionner. Et le cheikh dit, dans ces cas-là, on ne peut pas calculer ça comme faisant partie de ce qui vient annuler ou bien qui vient détruire la aqida de Al-Wala wal-Bara. Donc, quand des pays musulmans, par exemple, ne viennent pas en aide à leurs frères parce qu'ils ont une entente de paix avec les kuffars ou parce qu'ils sont dans l'incapacité de venir à leur aide, que ce soit une incapacité militaire ou autre, ils ne peuvent pas, dans ce cas-là, ils sont excusés. Et dans des cas, par exemple, on voit que dans certains cas, s'ils ne peuvent pas aider militairement, par exemple, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aider financièrement. Donc, on voit souvent dans des situations comme ça où il y a des aides financières qui sont données pour aider les victimes ou les gens qui sont blessés ou autres. Ça, il y en a plein d'exemples comme ça. Et aussi, il y a aussi d'autres moyens qui peuvent être employés pour venir en aide à ces musulmans-là, c'est-à-dire aussi par le dua, par l'invocation. Et ça, c'est des moyens qui sont des moyens islamiques permis, et ces gens-là, ils ne prennent pas ça en considération comme étant des moyens véridiques. Comme si quand tu mentionnes à ces musulmans-là que nous, on les aide, nos frères, et on vient à leur secours en faisant des invocations pour eux, eux, ils se moquent de ça, ou bien ils ridiculisent ça en disant que, par exemple, ça veut rien dire si tu fais des doigts, comme si c'est rien. Alors que le doigt, c'est le cœur, le centre de l'adoration. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que le doigt, c'est l'adoration. Donc le cheikh, il explique aussi par la suite, il dit, des exemples du premier cas qu'il a mentionné. Des exemples du premier cas, c'est-à-dire du cas où les musulmans ont des ententes de paix avec les kuffars, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas venir en aide à ce pays musulman-là. Et il donne des preuves de ça. Premièrement, le verset dans Surat Al-Anfal, verset 72. Le cheikh, il dit, « قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير روى أهل التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يعني إن استنصركم الأعراب المسلمون أيها المهاجرون والأنصار على عدوهم فعليكم أن تنصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 72 dans Surat Al-Anfal, il dit, quant à ceux qui ont cru et qui n'ont pas fait la hijra, qui n'ont pas émigré, n'ont pas fait la hijra vers Médine, c'est-à-dire les bédouins par exemple, qui ont accepté l'islam, mais qui n'ont pas fait la hijra vers la ville de Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, vous n'êtes pas liés à eux, c'est-à-dire vous n'avez pas d'alliance avec eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent. C'est-à-dire vous n'êtes pas reliés avec eux par une alliance du fait que s'ils sont attaqués, vous êtes obligés nécessairement de les aider jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes lié par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez. Donc le verset en question ici, 72, il est très clair sur la question, puisqu'il dit acceptez ou mais pas contre un peuple auquel vous êtes lié par un pacte. C'est-à-dire un peuple parmi les kuffars auquel vous êtes lié par un pacte. Donc le cheikh il mentionne que parmi les savants de tafsir, ils ont mentionné l'exemple de la parole de Abdullah ibn Abbas, qui dit que ce verset-là, ça signifie, quand il dit si il vous demande de l'aide, c'est-à-dire les bédouins parmi les musulmans, il vous demande, ô vous les muhajirines et les ansar, de leur venir en aide contre leur ennemi, alors venez à leur aide, excepté contre un peuple, contre un peuple avec lequel vous êtes lié par une entente, par un pacte. Maintenant, le cheikh il mentionne les paroles des ulama de tafsir qui expliquent ce verset-là. Le tafsir de l'imam al-Tabari, le tafsir de l'imam al-Qurtubi et le tafsir de l'imam ibn Kathir. Ils sont trois parmi les plus importants livres de tafsir, et le plus important, bien entendu, qui est le tafsir de l'imam al-Tabari, qui est le plus ancien et qui est le plus célèbre d'entre les livre de tafsir, et tous ceux qui sont venus après lui ont pris de lui. L'imam al-Tabari, dans son tafsir, il dit tafsir al-aya wa in istansarukum fi al-din yaqul in istansarukum haula alladhina amanu wa lam yuhajiru fi al-din yani bi annahum min ahli dinikum ala a'da'ikum wa a'da'ihim min al-mushrikin fa'alaykum أيها المؤمنون من المهاجرين والأنصار النصر إلا أن يستنصروا إلا أن يستنصرونكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد قد وثق به بعضهم على بعض أن لا يحاربه. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh explique La parole de l'imam al-Tabari dans le tafsir, le volume 10 à la page 38, il dit, si il vous demande de leur venir en aide, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si il vous demande de leur venir en aide dans la religion, c'est-à-dire à cause de la religion. On va lire l'explication de ça. Le cheikh il dit, c'est-à-dire, s'il vous demande, c'est-à-dire ces croyants, ceux qui ont cru mais qui n'ont pas fait la hijra, s'ils vous demandent de leur venir en aide dans la religion, c'est-à-dire qu'ils font partie des gens qui sont musulmans et qu'ils vous demandent de les aider contre vos ennemis et contre leurs ennemis parmi les mouchriquins, fa'alaykum, alors dans ce cas, ô vous les croyants parmi les muhajirines et les ansar, vous devez les aider. Vous devez venir à leur défense. Sauf s'ils vous demandent de venir les secourir contre un peuple avec lequel vous êtes liés par une entente. Il y a entre vous et eux un pacte ou une entente de paix. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vous devez respecter l'entente et le pacte que vous avez conclu les uns avec les autres de ne pas combattre, de ne pas combattre, de ne pas faire la guerre entre vous. Donc ça c'est la parole de l'imam al-Tabari. La parole ensuite de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an, le volume 8 à la page 57, il dit illa an yastansirunakum ala qawmin kuffar بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته. انتهى كلامه. rahimahullah. Donc l'imam al-Qurtubi dans son tafsir al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an le volume 8 à la page 57, dans son tafsir il dit à propos du verset qui dit excepté contre un peuple et avec lequel vous êtes lié par un pacte, il explique que ça signifie sauf si il vous demande de les aider, c'est-à-dire ces croyants qui n'ont pas fait la hijra, ils vous demandent de venir à leur aide contre un peuple parmi les kuffars qui existe entre eux et vous un pacte, c'est-à-dire contre un peuple de kuffars avec lequel vous êtes liés par un pacte. Alors dans ce cas-là, n'allez pas les aider contre eux. Ne les aidez pas, c'est-à-dire ne venez pas les secourir contre ces koufars-là qui ont une entente avec vous, et ne brisez pas l'entente que vous avez avec eux jusqu'à ce que le terme de ce pacte, de cette entente, soit écoulé, jusqu'à ce que le terme de cette entente soit terminé. Donc ça c'est un autre exemple. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه انتهى كلامه. Donc, l'imam Ibn Kathir, il mentionne dans son tafsir, tafsir al-Qur'an al-Azim, le volume 2, à la page 315, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, si ces bédouins parmi les Arabes qui ont cru en l'islam, qui se sont convertis à l'islam et qui n'ont pas fait la hijra à Médine, ils vous demandent de venir les aider dans un combat religieux contre leur ennemi, alors vous devez les aider et venir à leur secours. Parce que c'est quelque chose qui est obligatoire pour vous de les aider, parce qu'ils sont vos frères en religion. Excepté s'ils vous demandent de les aider contre un peuple parmi les koufars avec lequel vous êtes liés par un pacte, par une entente de paix. C'est-à-dire entre vous et ces koufars, il y a une entente de paix. C'est-à-dire une trêve jusqu'à un terme fixé, jusqu'à un délai prédéterminé. Dans ce cas-là, ne brisez pas votre entente, ne brisez pas votre serment et n'annulez pas votre entente avec ceux avec qui vous avez pris cette entente. Et ça a été rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhuma, intaha kalamu. C'est la fin de cette citation de l'imam Ibn Kathir. Donc on voit que les paroles des ulama du tafsir sont claires à ce sujet-là. C'est quelque chose qui est clair et connu par les hommes de science. On entend souvent donc ça, ces choses-là. Et quand on voit par exemple, il y a aussi des jeunes qui disent parfois, oui mais ici ce sont les koufars eux-mêmes qui ne respectent pas par exemple leur entente ou des choses de ce genre. Eh bien il faut prendre en considération aussi la situation de faiblesse des musulmans. Parce que si ce sont les musulmans qui ont pris cette entente de paix ou qui ont accepté cette entente de paix à cause de leur état de faiblesse et qu'ils sont comme forcés ou obligés de prendre ce genre d'entente avec le kuffar justement parce qu'ils n'ont pas de force, alors comment est-ce qu'ils pensent, eux, qu'ils vont pouvoir par la suite à cause de l'injustice des koufars dans certains cas, ou à cause du fait qu'ils n'ont pas respecté leur entente, qu'ils vont être capables de leur demander des comptes du fait qu'ils n'ont pas respecté cette entente-là. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qui arrive. Si ça arrive, des choses comme ça, c'est les musulmans, c'est aux musulmans de rappeler à ces koufars les ententes qu'ils ont prises et de les appeler à les respecter. Hein? Et de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas agir quand on est faible de la même manière que lorsqu'on est fort. Et celui qui ne veut pas faire de distinction entre les deux situations, eh bien c'est parce que c'est une personne, c'est pas parce qu'elle n'a pas la connaissance. Parfois il y a des gens, c'est pas un problème de connaissance qu'ils ont, ils ont certaines connaissances, mais le problème c'est qu'ils sont stupides. Hein. Il y a des personnes, non, c'est pas un problème de savoir ou de connaissance, ils connaissent les choses, ils savent les choses qu'on vient d'expliquer, mais étant donné qu'ils sont trop stupides pour comprendre la différence entre les deux situations, eh bien ils prennent des décisions stupides et idiotes, et puis ils tombent dans des problèmes par la suite. C'est ça la réalité. Donc, quand quelqu'un, comme on dit en arabe, quand quelqu'un il est ahmaq, hein, il est idiot, il est stupide, tu peux rien faire pour cette personne. Même si elle a la connaissance, elle va pas la comprendre ou être capable de suivre. Parce que elle n'a pas, elle n'utilise pas son intelligence et sa raison. Allah musta'an. Ensuite, il y a une autre citation qui est la citation du Cheikh Salih Al-Fawzan. Le Cheikh il dit: Su'ila Cheikhuna Salih Al-Fawzan fi sharh nawaqid al-Islam an kuffarin baynahum wa bayna al-muslimin ahd. Faqama ha'ula al-kuffar 'ala al-muslimin akharin. Fa hal yajuzu lil-muslimin al-mu'ahadin munasarat al-muslimin alladhina ukhti'a 'alayhim أخطئ عليهم سواء بطلب أو بدون طلب. فأجاب: لا يجوز نقض العهد إلا إذا كان فيه شرط أنكم إذا قاتلتم المسلمين فإنه ينتقض العهد الذي بيننا وبينكم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. اي نعم. Donc le cheikh il mentionne les paroles de Cheikh Salih Al-Fawzan dans on lui a posé la question dans le Sharh de Nawaqid al-Islam à la page 167 au sujet des koufars qui ont une entente de paix avec il y a une entente de paix entre eux et les musulmans. Et ces koufars sont entrés en guerre avec d'autres musulmans que ceux avec qui ils ont pris une entente de paix. Est-ce qu'il est permis aux musulmans avec qui ils ont une entente de paix de venir en aide aux musulmans contre lesquels ils ont mal agi, peu importe que ces musulmans-là qui sont opprimés demande l'aide ou ne le demande pas? Et le Cheikh Al-Fawzan il répond en disant: il n'est pas permis de briser l'entente de paix qu'on a pris avec eux, excepté si dans l'entente en question on avait mis une condition comme la condition que si vous combattez des musulmans alors notre entente sera brisée, ou l'entente qu'il y a entre vous et nous sera brisée. Donc si on avait inclus dans l'entente une condition spécifique qui mentionne l'annulation de ce contrat ou de cette entente dans le cas où il y aurait une agression contre des musulmans, alors là, dans ce cas-là, ce serait permis, puisque ça ferait partie des conditions de l'entente. Toutefois, s'il n'y a pas cette condition dans l'entente, alors il n'est pas permis, comme le cheikh l'a dit, il n'est pas permis aux musulmans de briser cette entente. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le verset 72, lorsqu'il dit ainsi il vous il dit quant à ceux qui ont cru et qui n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent, et s'ils vous demandent le secours au nom de la religion, alors à vous de leur porter secours. Mais pas contre un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, et Allah observe bien ce que vous œuvrez. Donc, ça c'est le verset que le cheikh mentionne, et ensuite il mentionne le verset 7 dans surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Hein, car Allah aime les pieux. Et na'am. Donc, ça c'est le premier cas. Le cas où on ne peut pas venir en aide à nos frères musulmans dans un pays musulman. C'est-à-dire que les musulmans d'un pays musulman ne peuvent pas venir en aide à un autre pays musulman avoisinant, par exemple, lorsque ces musulmans-là ont une entente de paix. Ces musulmans ont une entente de paix avec les koufars qui sont en train de les agresser. Donc ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le premier exemple. Le cas numéro 2, l'exemple numéro 2, c'est mentionné, il dit « وَقَدْ تَرَكَ حُذَيْفَ وَأَبُوهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نُصْرَةَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي بَدْرِ بسبب العهد والميثاق الذي أخذه منهما كفار قريش أن لا يقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهما صلى الله عليه وسلم كما تقدم في رواية مسلم حين قال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. Donc le cheikh il mentionne le cas de l'exemple de Hudhayfa et de son père lorsque radiallahu anhuma, lorsque ils ont laissé, ou ils ont laissé la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils n'ont pas couru au secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour participer à la bataille de Badr avec lui, à cause d'une entente, à cause d'une entente de paix qu'ils avaient pris entre eux et les kuffars de Quraysh. C'est-à-dire que les koufars de Quraysh, quand ils les ont interceptés sur le chemin, ils ont dit à Hudhayfa et à son père, on vous laisse partir à condition que vous nous jurez que vous n'allez pas retrouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et combattre avec lui. Et ils ont pris le serment qu'ils n'allaient pas retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour combattre avec lui. Et quand il est arrivé, Hudhayfa et son père sont arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont mentionné qu'est-ce qu'ils avaient pris comme entente avec les koufars, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de leur entente qu'ils ont pris avec les koufars, et comme on l'a mentionné dans le dernier cours, dans la narration de l'imam Muslim, il a dit à Hudhayfa, dans ce cas-là, partez et respectez votre entente que vous avez prise avec eux, et on demande à Allah de nous aider contre eux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à Hudhayfa et à son père, allez contre votre entente que vous avez prise avec eux. Ne respectez pas votre entente et venez combattre avec moi. Hein? C'est des koufars, c'est pas grave. Il n'a pas dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme contrairement à ce que beaucoup de musulmans aujourd'hui pensent ou disent. Ils pensent que les paroles ou les contrats ou les ententes qu'ils signent avec les musulmans ou avec les koufars aujourd'hui, que ça n'a aucune valeur ou que ça n'a aucune importance. Et ça, c'est la preuve que ces gens-là, ils ne craignent pas Allah et qu'ils ne craignent pas le jour de la résurrection. Parce que la réalité, c'est que le musulman, s'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il respecte les ententes qu'il prend, que ce soit avec des kuffars ou avec des musulmans. Et puis il ne trahit pas sa parole. Sa parole, elle a une valeur. Sa parole, elle a une valeur. Et il a honte de briser son, son entente et de manquer de respect à sa parole. Tandis que qu'est-ce qu'on remarque de la part de beaucoup de musulmans qui n'ont pas compris justement l'islam comme il faut, selon la compréhension des salafs salih, que pour eux, leur parole n'a aucune valeur. Hein, parce qu'ils prétendent que lorsqu'on fait des ententes avec le kuffar, ils pensent que ça ne compte pas. Ça c'est de l'ignorance et de l'égarement. Allah al-musta'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté que des sahaba ne participent pas à une bataille avec lui parce qu'ils avaient donné leur parole à des kuffars qu'ils n'allaient pas combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette bataille-là. Hein? Et ça n'entre pas dans qu'est-ce qui contredit ou qui oppose al-wala ou al-bara. Ça, c'est des exemples. Et le premier exemple, c'était la même chose. Ça ne vient pas en contradiction avec al-wala ou al-bara si tu ne viens pas aider tes frères qui sont attaqués par des koufars parce que toi, tu as une entente de paix avec ces koufars-là. Ça ne vient pas en contradiction avec al-wala ou al-bara. Hein? Contrairement à ceux aujourd'hui qui, parmi les takfiriyin, les khawarij et les ikhwan et les muslimin, qui font le takfir des musulmans et des pays musulmans et des dirigeants sous prétexte que ils ne viennent pas en aide à la Palestine ou à tel ou tel autre pays. Le cheikh il dit, comme point numéro 3, وَقَدْ تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسْرَةَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي مَكَّةٍ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى نُسْرَتِهِمْ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَدِ قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Donc ça c'est un exemple que le cheikh mentionne d'un troisième cas qui montre que ça c'est pas en contradiction avec al-wala wal-bara. C'est l'exemple de la situation des musulmans lorsqu'ils sont dans un état de faiblesse, hein, et qu'ils ne peuvent pas venir en aide à ceux qui sont opprimés et ceux qui sont faibles parmi les musulmans. Et c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était à Mecca avec ses compagnons, il n'avait pas la capacité de venir en aide à beaucoup d'entre ceux qui étaient faibles parmi les sahaba. Et il mentionne que ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari selon Khabbab ibn al-Arat. Il a dit que nous nous sommes plaints au messager d'Allah. Alors qu'il était assis sur un linge qu'il avait étendu dans l'ombre de la Kaaba. Il était assis avec quelques compagnons et il y en a parmi eux qui se sont plaints. Hein, que yani, les koufars, ils nous font du tort, ils nous font de l'injustice, ils nous font du mal, ils nous font de la torture, et ainsi de suite. Est-ce que tu ne vas pas venir à notre aide? Est-ce que tu ne vas pas invoquer Allah pour nous, pour qu'on ait la victoire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu avec cette parole qui est rapportée par l'imam muslim. Et quand on lit ces paroles-là, ça fait la chair de poule, parce que c'est vraiment des descriptions qui sont vraiment atroces. Qu'est-ce qu'on faisait aux croyants dans les exemples qu'il mentionne? Il dit que parmi les gens qui étaient avant vous, parmi les croyants, qu'est-ce qu'on leur faisait? Hein, les kuffars, qu'est-ce qu'ils faisaient aux croyants? Parmi les gens qui étaient avant vous, c'est qu'on prenait un homme et on lui creusait un trou dans la terre et on l'enterrait jusqu'à sa tête dans la terre. Puis on ramenait une scie et puis on lui sciait la tête en deux. Hein? Imaginez, subhanallah. Et qu'est-ce qu'on faisait également? On prenait un genre de peigne de métal, peigne d'acier, puis on lui arrachait la chair sur les os avec. On lui arrachait la chair sur les os avec ce peigne. Et il n'allait pas quitter sa religion pour ça. C'est-à-dire, malgré qu'on lui faisait toute cette torture, il restait accroché fermement à sa religion. Et il a dit par la suite, il a dit, je jure par Allah que cette religion-là va être complétée, hein, et parachevée par Allah jusqu'à ce que la personne qui part sur sa monture de Sana'a jusqu'à Hadramaut, elle ne craindra personne excepté Allah et le loup pour ses moutons. Mais vous êtes des gens qui êtes précipités ou pressés. Vous êtes des gens pressés. Vous êtes trop pressés. Hein? Vous voulez que les choses arrivent tout de suite, alors que les choses, ça prend du temps. Il faut être patient. Hein? Il a dit, voilà, qu'il n'a qu'un testardjiloum. Hein? Vous vous précipitez. Vous êtes trop pressés. Hein? Il faut être patient. C'est-à-dire, le professeur Sam, il nous donne des exemples qu'il faut qu'il y ait des épreuves. Que sans les épreuves, il ne peut pas y avoir d'établissement de la religion. Et donc, on voit dans ça, hein, on voit dans ça, par exemple, d'autres exemples aussi de ça. Comme par exemple, un exemple très célèbre que tout le monde connaît, l'exemple que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, lorsque certains des compagnons se faisaient torturer et certains se faisaient tuer, hein, comme par exemple Ammar ibn Yasir, hein, il se faisait torturer par les mouchriquins et il a vu ses parents se faire tuer devant lui, hein, et malgré toute la torture qu'il subissait, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit Sabran ala Yasir. Il leur a dit, soyez patients, ô famille de Yasir, parce que votre rendez-vous sera le paradis. C'est-à-dire, on va vous retrouver au paradis. Et donc, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans une situation de faiblesse. Il ne pouvait pas venir à leur aide et les sauver de la main des mouchriquins et des kuffars. Alors, il ne pouvait que leur faire l'annonce du paradis et leur mentionner qu'ils allaient être, hein, au paradis. Donc ça, c'est des exemples qui montrent l'attitude des musulmans dans les situations de faiblesse. Et il y en a parmi certains qui entendent ces genres de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, oui, mais ça, c'était à la Mecque quand les musulmans étaient faibles. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'époque de la Mecque. On est à l'époque maintenant où les règles de l'islam sont révélées, et ainsi de suite, comme par la suite, qu'est-ce qui est arrivé à l'époque de Médine et autres. Et les ulamas de l'islam, ils ont parlé de ça. Et ils ont expliqué que les versets qui sont révélés à la Mecque et qui ont rapport avec les situations de la Mecque, ils ne sont pas abrogés, puisque la situation de force et de faiblesse, c'est quelque chose qui peut se reproduire durant l'histoire de l'islam. Et que dans les moments de force, les musulmans doivent appliquer les versets qui parlent de la force. Et dans les moments de faiblesse, les musulmans doivent appliquer les règles et les versets qui ont rapport avec la situation de faiblesse dans laquelle ils sont. Et dans les deux cas, ça représente une forme d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que il y a des adorations ou l'application de certaines règles qui sont des adorations spécifiques au moment de la faiblesse et des adorations qui sont spécifiques à des moments de force. Et dans chacune de ces situations-là, Allah nous met à l'épreuve. Allah nous met à l'épreuve pour voir comment on va réagir. Est-ce qu'on va réagir d'une manière qui correspond à la charia dans la façon, dans les moments de faiblesse, et est-ce qu'on va agir d'une manière qui correspond à la charia dans les moments de force. Il y en a qui réussissent à passer le test dans les moments de force, hein, mais quand le moment de faiblesse arrive, ils ne peuvent pas passer le test, ils échouent. Hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met à l'épreuve dans toutes les situations pour voir notre obéissance et pour voir notre soumission, pour voir est-ce qu'on va être stable et ferme dans toutes les circonstances. Ensuite, le cheikh il mentionne un quatrième cas qui est c'est le cas de lorsque les musulmans qui nous appellent à venir à leur secours sont en train de combattre des koufars, mais ils ne les combattent pas pour élever la parole d'Allah ou bien pour la religion. C'est-à-dire qu'ils les combattent, les koufars, mais pour des questions d'intérêt de la dunya seulement, ou des choses qui n'ont aucun rapport avec la religion, hein, ou bien qu'eux-mêmes ne sont même pas sur le tawhid ou des choses de ce genre. Donc le cheikh, il explique ça. Il dit « Hunaka amrun muhimmun » وهو أن النصرة الواجبة إنما تكون إذا كان قتال المسلمين للكفار دينيا لإعلاء كلمة الله أما إذا كان القتال لغير الدين كما يحصل في عصرنا هذا في بعض الأحيان يكون القتال لمقاصد دنيوية كقتال الكفار لأجل الأرض أو لأجل العصبية القبلية لا يلتفت للمقاتلون فيه لتحقيق لا يلتفت المقاتلون فيه لتحقيقهم التوحيد في أنفسهم ولا في بلادهم بل ربما عادوا التوحيد وأهله وسموهم بالوهابية أو كان لتحقيق طموح سياسي لا للدين وإنما لأهداف أو لأهداف الحركة الحزبية التي تسعى للوصول إلى السلطة دون ارتباط بالقواعد الشرعية بل ربما صرح منظروها أنهم لم يفرضوا الإسلام على شعبهم بل وصولهم للسلطة بل ربما صرح منظروها أنهم لن يفردوا الإسلام على شعبهم بعد وصولهم للسلطة حتى يختار الشعب ذلك بالتصويت ففي مثل هذه الحالات تكون النصرة لهؤلاء غير واجبة لقوله تعالى إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فجعل علينا النصر إذا كان القتال دينيا. Donc ça, c'est un point vraiment important. Le cheikh, il dit, il y a un autre point très important, c'est-à-dire que lorsque on veut comprendre qu'est-ce que c'est l'appel à l'aide ou la défense est obligatoire pour nous, c'est-à-dire quand est-ce que c'est obligatoire pour nous de venir en aide aux musulmans lorsqu'ils sont attaqués par des koufars. Donc on a donné le premier exemple. L'exemple, lorsque les musulmans sont attaqués par des koufars et que nous, on a une entente de paix avec ces koufars-là. On ne peut pas, dans ce cas-là, briser l'entente de paix. Le deuxième cas, lorsque des musulmans sont attaqués par des koufars, mais que nous, on n'est pas capable, on n'a pas la capacité ou la force, hein, de les aider. On est trop faible. Donc, dans ce cas-là, également, on est excusé. Ou bien, dans le cas, maintenant qu'on va mentionner, c'est que, si le combat que ces musulmans-là sont en train de faire contre ces koufars, c'est un combat qui n'est pas religieux, pas pour, c'est pas pour élever la parole d'Allah. Hein? Si c'est juste, si c'est un combat qui n'est pas pour la religion, comme c'est le cas dans beaucoup de combats qui se passent aujourd'hui, dans plusieurs des cas, c'est pour des intérêts et des intentions uniquement matérielles, mondaines, des choses de la dunya seulement. Hein? Et comme, comme par exemple, dans le but de se battre pour avoir une terre, ou de se battre pour des exemples de tribalisme, pour avoir un territoire ou des choses de ce genre. Comme par exemple les Ikhwan qui disent par exemple que le combat qui existe entre les musulmans et les juifs aujourd'hui en Palestine, ils disent que c'est seulement pour le territoire. C'est pas pour élever la parole d'Allah, c'est pas parce que les juifs sont des kuffars, et c'est pas parce qu'ils sont des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, non. Juste par rapport au territoire. Juste pour le territoire. Donc ça, c'est pas des combats qui sont pour élever la parole d'Allah. Et c'est pas fait pour la religion. Hein? Ça, c'est un exemple. Donc, si c'est pour des choses comme ça, dans ce cas-là, le cheikh, il dit, ces gens-là, la plupart du temps, ceux qui combattent parmi eux, ils ne combattent pas pour établir le tawhid en eux-mêmes et dans leur pays, ou pour établir la sharia d'Allah dans tous les aspects de la vie. Hein? Il dit que peut-être que ces gens-là sont même des ennemis du tawhid et des gens du tawhid. Hein? Et qu'ils détestent les gens qui sont sous le tawhid et qu'ils les nomment ou qu'ils les appellent des wahhabiyas. Ils vont dire, ah ça c'est des wahhabiyas. Ceux qui appliquent le tawhid ou qui appellent au tawhid, hein, et qui combattent le shirk, ça c'est des wahhabiyas. Ils les surnomment par ce nom-là pour se moquer d'eux ou pour éloigner les gens, pour que les gens s'éloignent d'eux. Ou bien ils combattent uniquement pour arriver à, pour essayer de réaliser ou d'obtenir certaines ambitions politiques qu'ils ont. Pas pour la religion. Ils se battent pour des ambitions politiques, pour avoir le pouvoir. Hein? Ou bien uniquement parce qu'ils ont des objectifs dans un mouvement de parti politique, par exemple, ils sont dans un parti politique et ils veulent prendre le pouvoir dans ce pays-là, sans que ce soit relié du tout à, avec les. Sans que ça n'ait aucun rapport ou aucun lien direct avec les règles de la charia. Il dit que peut-être que même que les théoriciens de ce parti, peut-être qu'eux-mêmes ont dit clairement et explicitement qu'ils ne vont pas imposer l'islam à leur peuple après avoir obtenu le pouvoir, jusqu'à ce que le peuple lui-même ait voté pour qu'on applique l'islam sur eux. Donc ça, c'est en opposition totale avec l'islam. Et pourtant, c'est ce qu'on a remarqué de la part de plusieurs d'entre les Hizbiyin en Égypte, hein, en Tunisie et ailleurs, lorsqu'ils ont dit qu'ils voulaient prendre le pouvoir et qu'ils se sont présentés dans les élections, une des choses qu'ils ont mentionnées dans leur projet, et même le soi-disant parti qui se prétend salafi en Égypte, hein, et qui est représenté par plusieurs d'entre les Hizbiyin comme Mohamed Hassan, et Abu Ishaq al-Huwaini et Mohamed Hussein Yaqub et beaucoup d'autres parmi ce groupe-là qui ne font pas partie des salafis mais qui se prétendent faussement et mensongèrement être des salafis et qui sont rentrés dans les élections alors que c'est quelque chose qui est en opposition avec l'islam. Ils ont même dit dans leur fascicule lorsqu'ils présentaient leur parti qu'ils ne voulaient pas appliquer la charia et qu'ils n'avaient pas comme objectif qu'ils n'allaient pas appliquer la charia s'ils gagnent les élections. Et même les Ikhwan, ils ont dit la même chose. Ceux qui sont en Égypte, ceux qui sont en Tunisie, c'est la même chose. Ils ont dit on ne va pas appliquer la charia. Hein? Et ils ont dit que si on doit appliquer la charia, on va le faire soit par référendum ou bien par élection. C'est-à-dire on va faire voter la population pour savoir s'ils doivent l'appliquer ou non. Alors que la charia, lorsque les musulmans prennent le pouvoir, c'est une obligation pour eux de l'appliquer, que la population l'accepte ou non. puisque c'est le verbe, c'est la religion d'Allah et le jugement d'Allah. Hein? C'est pas une question que on laisse le choix aux gens de dire oui, je suis d'accord avec la loi d'Allah ou non. La loi d'Allah, elle doit être appliquée, c'est tout. Hein? Et si les gens sont pas capables de comprendre au début la sagesse qu'il y a là-dedans, parce que beaucoup de koufars aujourd'hui ont essayé de faire peur aux musulmans à propos de leur religion, et c'est rendu que maintenant, aujourd'hui, les musulmans eux-mêmes ont peur de leur islam, de leur propre sharia, alors que c'est quelque chose qui est clairement mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Soit qu'ils ignorent le Coran et la Sunna, qu'est-ce qui est écrit dedans, ou soit qu'on leur a présenté d'une façon qui est laide, ou qu'on leur a montré les choses d'une façon déformée, et donc qu'eux s'imaginent que c'est mauvais alors que c'est quelque chose qui est bien, mais qu'on ne leur a pas expliqué correctement. Donc tout ça, c'est des exemples qui font que beaucoup de gens, parmi les musulmans aujourd'hui, ils s'objectent ou s'opposent à la charia d'Allah. Mais ça, ce n'est pas une raison pour dire aux musulmans que si on prendrait le pouvoir dans un pays, on ne va pas appliquer sur eux la religion d'Allah. Hein? Donc ça, le cheikh dit que dans des cas comme ça, qu'il y a des partis qui disent des choses comme ça, ou qui agissent de cette manière, qui ne sont pas leur combat pour élever la parole d'Allah ou des choses de ce genre, et qu'ils se battent pour des choses de la dunya, dans ce cas-là, ce n'est pas, dans ces cas-là, ce n'est pas une obligation pour les musulmans de venir en aide à ceux-là. Et la preuve de ça, c'est la parole d'Allah dans le verset 72, comme on a dit tout à l'heure, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si ils vous demandent de venir à leur secours ou de leur venir en aide dans la religion, alors vous devez les venir à leur aide. Donc dans la religion, ça veut dire qu'il faut que ce soit un combat qui est religieux, hein, religieux dans ses objectifs, religieux dans ses moyens, religieux dans ses conditions et dans ses règles, c'est-à-dire qui respectent et qui suivent les conditions de la charia. Hein? Donc ça, tout ça, c'est très important. Et parfois, les koufars, ils disent, mais comment un combat peut être religieux? Comment un combat peut être religieux? Ou bien, comment ça se fait que vous, les musulmans, dans votre religion, il y a le combat? Parce que pour eux, la religion, c'est quelque chose qui est purement spirituel. Comme par exemple le christianisme, étant donné que les chrétiens, ils ont renié les règles de la Torah qui avait été révélée à Moussa, hein, et qu'ils ne se basent que sur le Nouveau Testament, eh bien, ils ne se basent pas sur... Ils pensent que la religion, c'est juste quelque chose qui a rapport avec la prière et le jeûne, et les choses qui ont rapport avec l'adoration, et que tous les aspects de la vie civile, ça n'a aucun rapport avec la religion. Alors que dans l'Ancien Testament, hein, qui a été révélé à, par exemple, qu'est-ce qui a été mentionné à Moussa alayhi salam dans la Torah et des choses de ce genre, que tous les prophètes après Moussa alayhi salam ont suivi, eux, ils ne prennent pas ces lois-là en considération. Et même les juifs eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont abandonné ces lois-là et ils les ont faussement interprétées pour justement justifier l'abandon qu'ils en ont fait. Eh bien, ça, c'est des exemples de la contradiction de ces gens-là. À cause du fait qu'ils n'ont pas respecté ces lois-là ou qu'ils n'ont pas pris ces lois-là en considération, eh bien, leur religion est devenue quelque chose qui est purement spirituel qui ne tient pas compte des aspects de la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les voit et on les entend appeler à la laïcité, hein, et à la séparation de la vie politique et sociale de qu'est-ce qui a rapport avec la religion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans leur système et dans leurs universités, dans leur société, ils excluent complètement la religion. Et ils mettent la religion dans la marge totalement à l'écart de tout ce qui a rapport avec les points centrales de la vie humaine. Et ils classent même dans leurs études et dans leur système éducatif, ils classent même la religion comme faisant partie des éléments qui sont secondaires, qui n'ont aucune importance. Ils vont même jusqu'à classifier la religion comme faisant partie des éléments culturels. Hein? Donc pour eux, c'est culturel, ça n'a rien à voir avec, une révélation qui est révélée par Dieu le Créateur aux hommes et que les hommes doivent suivre. Donc dans l'islam, c'est pas seulement la paix qui est gérée par la révélation divine, mais tous les aspects de la vie sont gérés par la révélation divine. Donc la paix et la guerre et tout ce qui a rapport avec la vie humaine, parce que ce sont des réalités humaines que personne ne peut nier, alors toutes ces réalités-là sont gérées par des règles religieuses. Et c'est ça qui fait que justement la religion de l'islam est une religion complète et parfaite. Tandis que les koufars, eux, les non-musulmans, ils doivent avoir recours à des lois qu'ils inventent eux-mêmes, ou qu'ils fabriquent eux-mêmes, hein, pour gérer qu'est-ce qui a rapport avec les questions de paix et de guerre, hein, et ils inventent eux-mêmes des lois. Donc même les chrétiens, par exemple, ou les juifs, qui disent non, nous, notre religion, il n'y a pas de guerre dedans, parce que notre religion, c'est une religion de paix, tout leur gouvernement et leur système ont des armées. Hein? Et ces armées-là, ils ont des lois qu'ils respectent et qu'ils suivent. Hein? Et quand quelqu'un rentre dans l'armée parmi les citoyens, ils ne sont plus des citoyens. Une fois qu'ils sont dans l'armée, ils sont une classe à part. Et si un soldat, lorsqu'il est en dehors de son service militaire, qu'il est dans la ville, et qu'il commet quelque chose de crime ou quelque chose d'illégal, il sera jugé, en plus d'être jugé dans le système civil, il va être aussi également puni et condamné dans le système militaire aussi, parce qu'ils ont leur propre système pénal à l'intérieur de l'armée. Et ils ont leur propre code et leur propre loi et leur propre système à l'intérieur de l'armée, et tout ce qui a rapport avec l'armée, il y a des règles, il y a des lois qui sont établies, pas par la religion, mais par des hommes, hein, qui ont inventé, écrit et composé ces lois-là. Donc pourquoi ils blâment l'islam d'avoir établi ces principes-là que Allah a révélés, hein, et ils les critiquent pour ça, alors que eux, ils ont également ces principes-là dans leur système. Et s'ils prétendent que la religion, c'est quelque chose qui a été inventé par les hommes, eh bien, qui est-ce qui a inventé leur système à eux? Est-ce que ce n'est pas des hommes? Hein? Si ils prétendent que qu'est-ce qui est blâmable, hein, parce que nous, on sait que ce n'est pas des hommes qui ont inventé l'islam, que c'est une révélation divine, que c'est Allah qui a révélé le Coran et que c'est sa parole, et qui nous a ordonné de lui obéir, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était qu'un messager qui a transmis aux hommes le message de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Donc ça, c'est ce qu'on croit, nous. Eux, ils disent non, on ne croit pas en votre prophète, et on ne croit pas aux anges, et on ne croit pas en Dieu. Tout ça, c'est des hommes qui l'ont inventé. Hein? Et donc, parce que c'est des hommes, on ne veut pas le suivre. Qui est-ce qui a fait vos lois? Qui est-ce qui a fait votre système judiciaire? Qui est-ce qui a écrit votre système pénal? Qui est-ce qui a écrit votre code civil? Est-ce que ce n'est pas des hommes? Oui, c'est des hommes. Alors, qui est-ce qui a écrit vos lois militaires? Hein? C'est des hommes et des êtres humains. Donc, si le fait de que ce soit des hommes, comme vous prétendez, que ce sont eux qui ont fait la religion, que c'est ça qui justifie qu'on ne puisse pas l'appliquer, ou que ce ne soit pas correct de l'appliquer, dans ce cas-là, pourquoi dans ce cas-là on devrait respecter vos lois et vos systèmes, puisque ce sont eux aussi inventés par des hommes? Hein? Ça montre votre contradiction et le fait que vous êtes incohérent dans votre raisonnement et dans vos critiques de l'islam. Donc ça, c'est juste un exemple en passant pour faire comprendre que dans l'islam, il n'y a pas une séparation entre les affaires de la vie d'ici-bas et les affaires religieuses. Tout ce qui est dans la vie humaine est géré par les règles de la religion de Dieu. Et les règles religieuses ont le dessus sur tout autre système humain fabriqué par l'homme, ou ainsi de suite. Ça, c'est la croyance de chaque musulman. Et c'est pas une catégorie seulement entre les musulmans qui ont cette croyance-là. Ce sont tous les musulmans sur la terre, sans exception. C'est pas ceux que vous, que les koufars vont nommer, par exemple, les intégristes ou les salafistes, ou je sais pas comment vous les qualifiez ou les appelez. C'est quelque chose qui fait partie de l'islam. C'est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et tous les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ça à ses compagnons. Tous les compagnons ont cru en ça, et ceux qui les ont suivis, et ceux qui les ont suivis jusqu'à notre époque. Et ceux qui ont dévié de ça, et qui veulent essayer d'inventer aujourd'hui un nouvel islam qui serait en accord avec les idées des koufars, et qui respecterait le système des koufars, ça, dans ce cas-là, c'est pas l'islam. Hein? Vous inventez une religion nouvelle qui n'a rien à voir avec la révélation divine. Donc, pour revenir à qu'est-ce que le cheikh explique ici, par rapport à qu'est-ce qui est obligatoire pour nous, par rapport à l'aide et au secours des musulmans lorsqu'ils sont en train de combattre d'autres koufars, mais pas pour la religion, uniquement pour des questions de la dunya, eh bien, le cheikh, il mentionne des paroles des ulama qui expliquent la parole du verset 72. On a déjà lu, le cheikh dit وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنُ كَثِيرٍ قَرِيبًا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ الآية يقول تعالى وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ هَؤُلَاءِ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا فِي قِتَالٍ دِينِ عَلَى عَدُوِّكُمْ عَلَى عَدُوٍّ لَكُمْ عَلَى عَدُوٍّ لَهُمْ فَانْصُرُوهُمْ انتهى كلامه. Donc, نعم. إن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم. انتهى كلامه. فقيده بالقتال الديني. Donc, l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir, comme on l'a lu tout à l'heure, il a mentionné que si on doit venir en aide à ces bédouins qui n'ont pas fait la hijra, il faut que ce soit pour un combat religieux, c'est-à-dire qui est basé sur l'islam, qui est dans le but d'établir la parole d'Allah contre un ennemi. Et dans ce cas-là, c'est obligatoire de les aider s'ils n'ont pas une entente de paix avec des musulmans, les musulmans, avec nous. Tandis que s'ils ont une entente de paix, même si c'est un combat religieux, on ne peut pas venir à leur secours. Donc, mais ici, le point qu'on essaie de faire comprendre, c'est la question du combat qui est pour la religion. Il faut que ce soit religieux. Le point numéro, l'autre exemple, c'est la parole de l'imam Sa'di dans son tafsir, Tafsir al-Karim al-Rahman, à la page 440. Il dit « وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ » لِأَجْلِ قِتَالِ مَنْ قَاتَلَهُمْ لِأَجْلِ دِينِهِمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ وَالْقِتَالِ مَعَهُمْ أما من قتلهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصره. Donc l'imam Sa'di, il mentionne dans son tafsir que si il vous demande de les aider dans la religion, c'est-à-dire dans le but de, il vous appelle à combattre ceux qui les combattent à cause de leur religion, parce que ce sont des koufars, parce qu'ils sont des musulmans, alors venez à leur aide, venez à leur secours. Et il dit, dans ce cas-là, il faut combattre avec eux. Il faut aller combattre avec eux. Mais s'ils les combattent pour autre chose parmi les intérêts de la dunya, des intérêts qui ne sont pas reliés à la religion, alors vous n'avez pas à les défendre et à venir à leur secours dans des cas comme ça. Donc ça, c'est l'exemple de la parole de l'imam As-Sa'di dans ce verset-là. Et il mentionne ensuite les paroles de Al-Allama Al-Tahir ibn Ashur dans son livre Al-Tahrir wa Al-Tanwir, volume 6 à la page 87. Et ibn Ashur, c'est un savant maliki du nord de l'Afrique, si je ne me trompe pas. Donc il a mentionné dans, à propos de ce verset-là, « إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ » Il a dit « ظَرْفِيَّةٌ مَجَازِيَّةٌ تَأُولُ إِلَى مَعْنَى التَّعْلِيلِ » أي « طَلَبُ أن تنصروهم لأجل الدين أي لرد الفتنة عنهم في دينهم إذ حاول المشركون إرجاعهم إلى دين الشرك وجب نصرهم لأن نصرهم للدين ليس من الولاية لهم بل هو من الولاية للدين ونصره ذلك وذلك واجب عليهم سواء استنصرهم الناس أم لم يستنصروهم إذا توفر داعي القتال فجعل الله استنصار المسلمين الذين لم يهاجروا من جملة دعواعي الجهاد انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne donc que dans l'explication du verset 72 dans Sourate Al-Anfal, il a dit que ce verset-là, ça signifie que s'ils vous demandent de les aider à cause de la religion, c'est-à-dire pour repousser d'eux une épreuve ou une fitna dans la religion, c'est-à-dire que ces mushrikoun essaient de les faire revenir à la religion du shirk, alors dans ce cas-là, il est obligatoire de leur venir en aide. Hein? Parce que dans ce cas-là, de les aider, c'est pour la religion. Et ça, ça fait partie de l'alliance qu'ils ont hein, avec nous. Et c'est une alliance pour la religion et pour la défense de la religion. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose, c'est pas une alliance ni pour eux, pour eux-mêmes, mais une alliance pour la religion et pour la défense de la religion. Et donc, dans ce cas-là, c'est une obligation pour les musulmans de leur venir en aide, qu'ils nous demandent de venir les aider, ou qu'ils ne nous demandent pas, lorsque les éléments qui exigent que le combat soit établi, dans ce cas-là, si elles sont présentes, si ces éléments-là sont présents, si ces conditions-là sont présentes, dans ce cas-là, Allah a fait en sorte que ce soit parmi les éléments qui nous obligent à venir en aide aux musulmans qui n'ont pas fait la hijra et qui font partie du djihad. Donc ça c'est la fin de la citation de la parole en question. Le cheikh Issam Sinani il dit ensuite, il dit قُلْتُ فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ يُقَاتِلَ الْكُفَّارُ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مِنَ التَّوْحِيدِ أَكْثَرْ مِمَّا يَعْرِفُهُ أَبُو جَهْلِ بل أبو جهل أعلم منه بذلك لأن أبا جهل عند الشدائد يدعو الله مخلصا له الدين أما هؤلاء فيدعون الله في الرخاء فإذا اشتد الخطب سألوا المدد من الأولياء والمقبورين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات بل إذا نبهوا على هذا العمل المناقض لأصل الإسلام عادوك ولمزوك بالوهابية التي هي عندهم أخطر من اليهودية فهل يقول بوجوب نصرتهم وتكفير من ترك القتال معهم إلا من هو أجهل الخلق بالحق Donc le cheikh il mentionne un autre exemple de qu'est-ce qui se passe actuellement pour faire comprendre en fait les contradictions qui existent chez les hizbiyyin, chez les gens de bid'a par rapport à ces questions-là. Le cheikh il dit, et je dis, que penser de celui qui combat les koufars mais qui ne connaît même pas le tawhid hein, et que Abu Jahl connaît mieux le tawhid que lui. Il connaît rien, il connaît même pas du tawhid ce que Abu Jahl connaît du tawhid. Même que Abu Jahl a plus de science à propos du tawhid que lui. Parce que Abu Jahl, c'est-à-dire Abu Jahl, c'est-à-dire celui qui était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui combattait l'islam et qui détestait l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui défendait le shirk et qui combattait le tawhid. Donc lui, Abu Jahl, quand il y avait des difficultés, hein, quand il y avait des malheurs qui arrivaient, il invoquait Allah en lui voulant une adoration pure. C'est-à-dire il priait seulement à Allah quand il y avait un malheur. Et quand les choses étaient quand les choses allaient bien et qu'il était en sécurité, eh bien là, ils retournaient à l'idolâtrie. Tandis que ceux parmi les gens aujourd'hui qui se disent musulmans mais qui adorent les tombes et les saints et les morts, lorsqu'ils sont dans des situations d'aisance, ils invoquent des saints et des tombes et des morts. Et dans les situations de malheur et dans les situations d'aisance aussi, dans les deux cas. Donc ils sont plus graves dans le shirk Abu Jahl et Abu Lahab et les autres mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisaient seulement le shirk dans les moments de difficulté. Dans les moments d'aisance. Et que dans les moments de difficulté, ils ne faisaient pas le shirk. Les mushrikines d'aujourd'hui, qui adorent les morts et les tombes et les saints, ils font le shirk dans les moments de malheur, dans les moments d'aisance, les deux pareils. Et même parfois dans les moments de difficulté, ils font encore plus de shirk. Donc ça, c'est pour montrer que yani, les mushrikines d'aujourd'hui, qui se disent parfois musulmans, sont plus égarés même que les premiers mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est mentionné par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Kashf al-Shubuhat, hein, c'est-à-dire le cours qu'on fait yani, le dimanche. Et ça, ça réfute les gens de bid'a parmi les soufis qui yani, adorent les saints et les tombes, et qui vont faire des pèlerinages aux morts pour leur demander la baraka, ou bien pour leur demander yani, de leur donner de l'argent ou du support ou quelque chose quelconque comme ça. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit dans son charh justement de Kashf al-Shubuhat, et le Cheikh il le cite en note de bas de page, il dit فَعْلَمْ أَنَّ شِرْكَ الْأَوَّلِينَ أَخَفُ مِنْ شِرْكَ أَهْلِ زَمَانِنَا بِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَوَّلِينَ لَا يُشْرِكُونَ وَلَا يَدْعُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَوْلِيَاءَ وَالْأَوْثَانَ مَعَ اللَّهِ إِلَّا فِي الرَّخَاءِ أَمَّا فِي الشِّدَّةِ فَيُخْلِصُونَ لِلَّهِ الدِّينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان انتهى كلامه رحمه الله. Donc, le cheikh, il explique, il dit que si tu. Donc, il dit sache que le shirk des premiers mushrikines, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est moins grave que le shirk des gens qui font le shirk à notre époque. Même parmi ceux qui se prétendent ou qui se disent musulmans aujourd'hui et qui font le shirk en adorant les morts et les tombes et les saints. Hein, il dit que, première. Leur shirk était moins grave que le shirk des gens d'aujourd'hui sur deux points. Et le premier point, c'est que les premiers parmi les mushrikines, ils n'invoquaient pas ils invoquaient les anges et les saints, les hommes pieux et les idoles avec Allah, mais uniquement dans l'aisance, quand ils étaient dans des situations d'aisance. Mais quand il y avait un malheur qui arrivait, ou quand ils étaient dans des situations de détresse, là, ils vouaient une adoration pure à Allah seul. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans plusieurs versets dans le Coran. Comme par exemple, le verset 67 dans Surat al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit, et lorsqu'un mal vous touche sur la mer, hein, vous laissez tout ce que vous invoquez, excepté lui, c'est-à-dire excepté Allah. Vous abandonnez et vous oubliez tout ce que vous adoriez, excepté Allah. Puis lorsqu'il vous ramène sur la terre ferme, que vous êtes sauvé, vous vous détournez d'Allah. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes, l'homme est ingrat. Ensuite, il mentionne le verset 40 et 41 dans Surat Al-An'am. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit 40-41 dans Surat Al-An'am, dit: informez-moi si le châtiment d'Allah vous vient ou que vient l'heure. Ferez-vous appel à autre qu'Allah si vous êtes véridique? C'est plutôt à lui que vous ferez appel. Puis il dissipera, s'il veut, l'objet de votre appel, et vous oublierez ce que vous lui associez. Hein? Puis vous oubliez ce que vous lui associez. Donc c'est pour dire que quand ils ont un malheur, ils adorent Allah seul. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés, ils retournent au shirk. Hein? Et le verset également dans Surat Az-Zumar, et lorsqu'un mal touche à l'homme, il invoque son Dieu en retournant repentant vers lui. Hein? Il invoque son Seigneur en retournant repentant vers lui. Et le verset 32 dans Surat Luqman, et lorsqu'ils sont recouverts par des vagues, hein, par des vagues qui sont comme des ombres qui les recouvrent sur un bateau lorsqu'ils sont dans la mer, ils invoquent Allah seul en lui voyant un peu. En lui vouant un culte pur. Donc ça, c'est des exemples qui clarifient. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il essaie de nous faire comprendre par ces versets-là les exemples que les mouchriquins, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, eh bien, ils invoquaient Allah. Hein? Ils invoquaient Allah et ils invoquaient autre que Allah dans les moments d'aisance. Tandis que dans les moments de difficulté, les moments de détresse, Et bien, ils n'invoquaient que Allah. Ils invoquaient Allah seulement. Et ils oubliaient tous leurs autres objets d'adoration et leur divinité et leur idole. Et donc, on voit ici la différence entre le shirk des gens de notre époque aujourd'hui et le shirk des premiers. Mais où sont les gens qui sont capables de comprendre? Donc, on voit les deux exemples que le shirk mentionne. Premièrement, que les gens d'aujourd'hui, ils font le shirk dans l'aisance, comme dans la difficulté, sans distinction. Et l'autre exemple aussi, c'est que le shirk, il a mentionné le premier exemple, qui montre à quel point le shirk des premiers est plus grave que le shirk des derniers. Puis l'autre exemple, il n'a pas mentionné, mais c'est que les premiers, ils adoraient des anges, des hommes pieux, des choses, des gens du bien, tandis qu'aujourd'hui, ils adorent même des gens de l'innovation, des gens de l'égarement, des gens qui sont des koufars. Ils les prennent pour des saints et ils les adorent en dehors d'Allah. Donc il y a des exemples comme ça. Donc ça, c'est pour montrer qu'il y a des gens aujourd'hui parmi les musulmans qui font le shirk, combattent le tawhid, qui détestent les gens qui appellent au tawhid et qui les traitent de wahhabis, hein, et qui prétendent faire le djihad ou vouloir combattre les kuffars, et qui les combattent pas pour établir le tawhid, ils les combattent pour établir le shirk, hein, et ils combattent contre le tawhid et pour le shirk. Hein, donc le cheikh, il dit, il considère même que pour eux, les wahhabis, pour eux, quand on leur dit par exemple que qu'est-ce qu'ils font comme action, c'est en contradiction avec le tawhid, parce qu'ils invoquent les hommes pieux et les saints, les tombes, et ils les adorent en dehors d'Allah. Donc quand on leur dit que ça, c'est en opposition avec le tawhid et que c'est contraire à l'islam et que ça détruit la foi en islam, ils te traitent de wahhabis et ils te considèrent plus dangereux que la religion du judaïsme. Hein? Et il dit, le cheikh, qu'il considère, donc le cheikh, il dit, est-ce que tu vas dire dans ce cas-là que c'est obligatoire de venir en aide à ceux-là qui agissent de cette façon, et que tu vas traiter de koufar celui qui a laissé le combat avec eux? Excepte, et celui qui dit ça, il dit, il n'y a personne qui dit ça, excepté la personne qui est la plus ignorante des créatures. Donc des fois, il nous appelle à faire des combats contre des koufars avec des gens et d'aller défendre des gens qui sont même plus koufars que ceux qu'ils veulent combattre parmi les juifs et les chrétiens ou les autres. Hein? Parce que eux, ils défendent le chef des idoles, c'est-à-dire quand on parle des idoles ici, que ces gens-là adorent, c'est les idoles des tombes. Hein? Les tombes et les saints qu'ils adorent en dehors d'Allah. Le cheikh il dit, ثم لماذا يقتصر أكثر المنتسبين للجماعات الحركية على تنزيل عقيدة البراء على الكفار الأصليين دون الذين يدعون غير الله ويعتقدون بأن غيره يملك أن يعطي المدد والولد وكذلك لماذا لا يتناول الولاء والبراء عندهم اليوم أهل البدع والمحدثات مهما حصل منهم من المخالفات الشرعية بسبب قواعد وضعها منظر هذه الجماعات التي تدعي وتزعم أنها تريد أن ترجع بالناس إلى حكم الإسلام. Donc le cheikh il dit. Puis ensuite, pourquoi ces gens-là qui appartiennent à ces différents groupes, ces différentes organisations ou groupes de partis et de mouvements soi-disant islamistes, pourquoi ils veulent pas, ils veulent seulement appliquer la question de al-wala wal-bara sur les koufars qui sont à la base koufars parmi les juifs et les chrétiens, qui sont des koufars de base, hein, et qu'ils ne veulent pas l'appliquer contre ceux qui adorent et invoquent autre que Allah et qui pensent que leurs saints et que leurs awliya et que les tombeaux qu'ils adorent peuvent donner peuvent leur donner des enfants ou de la subsistance ou des choses de ce qu'ils leur demandent. Donc pourquoi vous appliquez al-wala wal-bara contre des juifs et des chrétiens seulement et que vous n'appliquez pas al-wala wal-bara avec ceux qui adorent d'autres avec Allah, parmi les soufis, parmi les shi'a rafida et parmi les autres groupes d'égarements qui justement croient et pratiquent le shirk. Et il dit, le cheikh dit aussi, et pourquoi vous n'appliquez pas et vous n'incluez pas également dans ceux qui doivent, ceux contre qui on doit établir al-wala wal-bara, pourquoi vous n'avez pas inclus les gens de bid'ah et les gens qui inventent des choses dans la religion d'Allah, hein? Peu importe ce qu'ils ont fait comme contradiction avec la charia, vous les excusez et vous ne voulez pas les inclure dans ceux avec qui on doit appliquer al-wala wal-bara à cause des règles et des principes que les théoriciens de ces groupes-là ont inventés, hein, et qui prétendent et qui pensent qu'ils veulent soi-disant ramener les gens au jugement de l'islam et à l'application du jugement de l'islam. Donc, ici, à ce point, le cheikh il a mentionné une parole de cheikh Al-Fawzan dans son charh de Kitab al-Tawhid, I'anat al-Mustafid. Lorsqu'il a parlé du verset 60 dans Surat al-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il explique le chapitre, Alam tara, babu qawlihi ta'ala, babu qawlihi ta'ala, ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة في مناهج الجماعات فقال في إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد فالذي يقصر هذا التحاكم إلى الكتاب والسنة على المحاكم الشرعية فقد غالط لأن المراد التحاكم في جميع الأقوال في جميع الأمور جميع المنازعات في الخصومات في حقوق المالية وغيرها في أقوال المجتهدين وأقوال الفقهاء والمناهج الدعوية والمناهج الجماعية لأن الله تعالى يقول ما اختلفتم فيه من شيء وشيء نكرة في سياق النفي تعم كل نزاع وكل خلاف سواء في الخصومات أو في المذاهب أو في المناهج كثير من الناس اليوم ينادون بتحكيم الشريعة في المحاكم، ولكن هم متنازعون ومختلفون في مناهجهم وفي مذاهبهم، ولا يريدون أن يحكموا الشريعة في هذه الأمور، بل يقولون اتركوا الناس على ما هم عليه، لا تتعرضوا لعقائدهم، ولا تتعرضوا لمصطلحاتهم، ولا تتعرضوا لمناهجهم، اتركوهم على ما هم عليه. وهذا ضلال، بل هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر، مثل قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فهذا أمر يجب التنبه له، لأن هذه مسألة عظيمة غفل عنها الآن. انتهى كلامه رحمه الله. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il a mentionné donc ce point. Il dit dans son charh de Kitab al-Tawhid qu'on a fait les cours de ce livre-là, les 154 cours de l'explication de ce livre. Il dit à propos du fait de juger par la révélation d'Allah, le verset 60 dans Surat al-Nisa, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi, ils veulent prendre pour juge le Tawhid, alors que c'est en lui qu'on leur a ordonné de ne pas croire. Donc l'obligation de juger selon le Coran et la Sunna au sujet des groupes et des différentes méthodologies de da'wah et ainsi de suite. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, celui qui veut limiter le fait de juger par le livre et la sunna aux questions qui ont rapport avec les tribunaux de la charia, les tribunaux islamiques, alors il a fait une erreur. Parce que de juger ici par le Coran et la sunna, c'est de juger dans tous les aspects, dans toutes les affaires, dans toutes les discordes et dans tous les désaccords, dans toutes les disputes, que ce soit des questions qui ont rapport avec les droits de l'argent et les droits économiques, ou qui ont rapport avec les paroles des différentes positions des savants de l'islam parmi les mujtahidines, et les différentes écoles, et les paroles des fuqaha, des savants de fiqh, et les différentes méthodologies de da'wah, et les différents groupes, parmi les différentes méthodologies des différents groupes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, peu importe ce en quoi vous divergez. Donc, si vous divergez en quoi que ce soit, et quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est indéfini, et il est dans le contexte de la négation, et dans ce cas-là, ça veut dire que toute discorde et tout désaccord est inclus dans ce qu'on doit juger par rapport à la charia. C'est-à-dire que toute discorde, tout désaccord, toute dispute, dans toutes les questions, que ce soit les méthodologies, les écoles ou autres, on doit juger par la charia dans toutes ces choses-là. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils appellent à juger selon la charia dans les tribunaux. Sauf que ils sont tous divergents entre eux, et ils sont tous en divergence les uns les autres par rapport à leur méthodologie et par rapport à leurs écoles de fiqh ou autres, par rapport à toutes ces choses-là. Ils ont des divergences entre eux, et ils disent qu'ils veulent établir la charia, mais ils ne veulent pas établir la charia dans ces questions-là. Et c'est comme j'expliquais aux frères quand j'étais à Toronto justement en fin de semaine passée, quand j'ai fait le séminaire avec eux, j'ai mentionné justement ce point-là. J'ai dit, ces gens de bid'a parmi les ikhwan et autres qui prétendent vouloir appliquer la charia, pourquoi ils n'appliquent pas la charia dans qu'est-ce qui est le plus important de la religion, c'est-à-dire d'appliquer la charia dans l'aqidah, comme par exemple dans le tawhid, appliquer la charia dans le tawhid, et de dire à ceux qui adorent les tombes et les saints et qui adorent d'autres avec Allah, parmi les soufis et parmi les chiites et les autres, on va juger dans cette question-là selon la charia. Et ceux qui nient les attributs d'Allah et ses noms, on va juger dans ces questions-là selon la charia. Hein? Et la même chose pour tous les autres aspects de la charia, dans les questions qui ont rapport avec l'Iman, dans les questions qui ont rapport avec le Tawhid, dans les questions qui ont rapport avec les fondements de l'Islam, dans les questions qui ont rapport avec comment on doit agir envers les Sahaba et comment on doit agir vis-à-vis de la Sunna. Toutes ces différentes questions-là, on doit juger dans ces questions-là par rapport à la charia. La même chose pour le reste de la religion. Donc, le cheikh, il dit, mais les gens, ces gens-là, ils ne veulent pas appliquer la charia dans ces questions-là. Hein? Ils veulent, par exemple, ils ne veulent pas appliquer la charia dans les questions qui ont rapport avec les sectes et les groupes et les organisations qui contredisent la sunna, comme les soufis et autres, qui font des bid'ah et des choses comme ça. Ils disent, non, laissez les gens sur ce qu'ils suivent. Ne vous opposez pas à leurs croyances. Ne vous opposez pas à leur terminologie. Ne vous opposez pas à leur méthodologie. Laissez les gens sur ce qu'ils suivent. Et le cheikh dit, ça c'est de l'égarement. Hein? Et ça, ça fait partie de croire en une partie du livre et de rejeter l'autre. Hein? Et c'est comme ce qu'Allah dit dans le verset 85, dans Surat al-Baqarah. Quand il dit, est-ce que vous croyez en une partie du livre et que vous reniez l'autre partie? Et quelle sera la rétribution de celui qui agit ainsi, excepté l'humiliation dans cette vie d'ici-bas? Et au jour de la résurrection, il sera ramené au plus dur des châtiments. Donc ça, c'est une chose, c'est important de le noter, parce que c'est une question très importante que beaucoup de gens ils n'ont pas pris en considération et ils négligent aujourd'hui. Donc ça, c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Et pour terminer, donc le cheikh il conclut en disant إذن فعند نصر المسلمين بعضهم لبعض بسبب عجز إذن فعدم نصر المسلمين بعضهم لبعض بسبب عجز أو بسبب عدم إرادة الدين بالقتال أو بسبب ميثاق مع الكفار أو بسبب اختلاف بينهم في شيء من ذلك كما سيأتي قريبا لا يعني أن تارك هذه النصرة هنا قد ظاهر الكفار أو تولاهم كما يقوله المتعلمون اليوم أو المتطرفون. Donc هذه زيادة بقلم شيخنا صالح الفوزان حفظه الله. يعني ما بين القوسين زيادة من شيخ الفوزان، يعني زيادة كما يقوله المتعلمون اليوم أو المتطرفون. Donc le cheikh il conclut par cette parole ici, il conclut ce point en disant donc le fait de ne pas venir en aide ou au secours des musulmans les uns des autres à cause soit à cause de la d'une incapacité, parce qu'on a la faiblesse, on n'est pas capable. Ou à cause du fait que les gens qui combattent les koufars, ils ne le font pas pour la religion, ils le font uniquement pour la dunya, pas pour la religion. Ou bien parce que les musulmans en question, à qui on demande de venir en aide à d'autres musulmans, ont une entente de paix avec ces koufars. Ou bien à cause d'une divergence qui existe avec ces musulmans-là eux-mêmes, c'est-à-dire... par exemple qu'ils ont une divergence dans ces questions-là, et ça on va en parler aussi dans les points qui vont suivre. Il dit le cheikh que ça ne veut pas dire que celui qui ne va pas aider ses frères dans ces cas-là qu'il a aidé les koufars contre les musulmans ou bien qu'il les a pris pour alliés contre les musulmans. Et cheikh Al-Fawzan il dit entre parenthèses, il a mis une note à ce point-là. Et le cheikh ici il l'a mis entre parenthèses, puis il l'a marqué dans le bas de page. Il a dit que cheikh Al-Fawzan a écrit à la suite de ça. Ça ne veut pas dire qu'on aide les koufars ou qu'on les prend pour alliés. Cheikh Al-Fawzan il a rajouté, comme le disent aujourd'hui certains qui se prétendent, qui prétendent posséder de la science aujourd'hui, ou parmi les extrémistes. Ça c'est leur parole, c'est ça qu'ils disent eux aujourd'hui. Ceux qui prétendent à la science. Hein? Et ceux qui sont extrémistes, ils disent ça. Ils disent que si tu es dans un de ces cas-là et que tu n'aides pas tes frères musulmans un pays musulman ne va pas aider un autre pays musulman dans des cas qu'on a mentionnés, ça, ça veut dire qu'il a pris pour allier les koufars et puis il les a aidés les koufars contre les musulmans. C'est ça qu'on entend des exemples aujourd'hui parmi les paroles des égarés. Hein? Et ici à Montréal, il y a un des jeunes de cette catégorie qui prêche, il y en a sur Internet, puis dans certaines mosquées des Hizbiyens à Montréal, et qui dit par exemple, qui disait dans une de ses khutbas qu'il a enregistrées, qu'il a mis sur Internet, qui disait que l'Égypte était un pays de mécréance, il traitait l'Égypte d'un pays de kufr, hein, lorsqu'il y avait eu les attaques contre Gaza. Il a fait une khutbah pour faire le takfir de l'Égypte, et il disait que le fait que l'Égypte vendait du gaz, que l'Égypte vendait du gaz à Israël, que ça voulait dire que l'Égypte était un pays de kufr. Hein? Il a dit ça dans sa khutbah, et il essayait de supporter cette idée-là par le fait que ça veut dire qu'ils ont aidé les kuffar contre les musulmans, et pour lui, ça voulait dire que c'était une forme de contradiction avec Al-Wala ou Al-Bara, puis qu'à cause de ça, ils ont quitté l'islam. Et il essaie d'attribuer cette parole-là à certains ulama, même parmi les ulama de l'islam, comme Cheikh Ben Baz et d'autres. Et la réalité, c'est que il ne prend pas en considération rien de ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Et il fait le takfir de façon générale. Et même qu'une fois qu'on l'a rencontré justement après ça, et qu'on l'a réprimandé par rapport à ce qu'il avait dit dans cette khutbah, il a persisté à dire ça, et même qu'il a surenchéri, il a même rajouté en disant que tous les pays, il disait que tous les dirigeants pour lui étaient tous des koufars dans tous les pays musulmans. Hein, et justement, quand on a posé la question à un de nos mashaykhs à propos de cette parole qu'il avait dit par rapport à l'Égypte et le gaz et tout, le cheikh a dit, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là dans les pays de kufr? Hein? Dans ce cas-là, pourquoi il reste dans les pays de kufr? Pourquoi il ne va pas dans les pays musulmans? Hein? Et ben, c'est vrai, subhanallah, il est dans un pays de kufr et il est dans un pays même qui aide. Hein, le pays que lui prétend que l'Égypte est en train de les aider. Hein, il est dans un pays même qui dit ouvertement est en train de les aider et qui ne se cache pas de ça. Hein, le Canada, par exemple. Donc, comment il fait le takfir des pays musulmans pour ça? Et lui-même, il vit dans un des pays alliés d'Israël, par exemple. Donc, ça montre la contradiction de ces gens-là. Et le cheikh, il a dit, demande-lui pourquoi il est ici. Et ça, c'est un exemple de la contradiction et de l'égarement de ces takfiriens qui font le takfir des pays musulmans pour quelque chose, et eux, ils sont dans des états et ils sont dans des situations pires encore. Et en même temps, on peut comprendre que de toute façon, pour eux, tous les pays musulmans sont des pays de kufr. Il n'y a pas de pays musulmans pour ces gens-là. Nasallallahu al-afiyah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis on continuera la semaine prochaine. Et aussi on va, inshallah demain, on va continuer le sharh de Kashf al-Shubuhat bi-Ibnillah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.